galère. Mais je te promets, je rappelle ta l'heure. Moi, c'est la scène qui m'a fait, qui va me faire bloqué dans le balieux. Je peux en estimer la valeur comme un putain de sicario. Pris au piège, on compte pas parler. C'est la conquête de Palerme. Au fond du cabaret, j'entends son nom, je claque un salaire. Je suis comme perdu devant eux. Perturbé, mon Dieu. Non, y'a plus de vertu dans mon cœur. Perdu, je me mets bleu. Négro, puissant sont mes colères. Puissant sont mes collègues. Vas-y, raconte-moi tes galères. Moi, c'est prise en charge, c'est ma lettre. J'ai tout perdu, maman, elle sait. J'suis ton ami quand faut avancer. J'suis ton ami quand faut avancer. NNI, tu veux m'arroser. Le monde des ailes, nous l'ont jeté. J'ai ramassé, Parle pas du bif qu'on a ramassé. J'ai tout perdu, maman, elle sait. J'suis ton ami quand faut avancer. J'suis ton ami quand faut avancer. I'm Amy, tu veux m'arroser. Regarde tout line qu'on a ramassé. J'en ai assez, Parle pas du bif qu'on a ramassé, Tu te rappelles d'époque où ça tenait le sac au mes. J'ai quitté la stratosphère. Y'a toujours deux trois commères au balcon du deuxième. Et parle, on lui baisse sa mère. Faudra courir pour le Zayo. Chargé comme Zaya, j'prenais le bus. Des kilos, des halos, quelques échos. Forcément j'ai cassé la puce. Traqué par la boîte de nuit. Mignon comme un Bogdanov. Éviter la casse fleurie. Éviter la casse fleurie. Ouais, chacun doit rouler sa bosse. Mais j'ai carré sous comme Tom. La porte pète lundi. Mais dans l'équipe pas de pookie. Ils pourront pas coffrer le boss. Et quand j'avais besoin de la force, tu m'en as pas donné. Aujourd'hui c'est moi qui l'ai. J'ai fait couler le maquila. Ouais, le maquila. J'ai les baisers toute la matinée. Pris un chasse dans la night. L'enfer ou le paradise. Laisse-moi compter mes liasses pour retrouver mon smile. Pour la guerre faut des armes. Pour des armes faut du bif. Pour du bif on t'adresse. Tu comprendras des risques d'effectuer des peines. Tellement grosses que nos mères vont pleurer des rivières. Mais c'est pas ça la vida. Ouais, c'est pas ça la vida. Rouler comme des fous sur le périphérique et mourir comme la princesse Diana. Ouais, la princesse Diana. Non, c'est pas ça la vida. Ouais, c'est pas ça la viga. Sur la A7, j'ai le coffre chargé comme un Ritol. La mort est inévitable. Ouais. J'ai tant perdu, maman le sait. J'suis ton ami quand faut avancer. J'suis ton ami quand faut avancer. NNI, tu veux m'arroser. Le monde des ailes, nous l'ont jeté. J'ai ramassé, Parle pas du bif qu'on a ramassé. J'ai tant perdu, maman le sait. J'suis ton ami quand faut avancer. J'suis ton ami.